pris sur le vif. Écoutez. Cet appartement n'est pas mal. On s'y plaît, non? Puisqu'il est à vendre, c'est peut-être une occasion à saisir. Personnellement, je n'en vois pas l'utilité. Outre que nous ne sommes pas sûrs de rester à Paris, ce n'est quand même pas l'appartement de mes rêves. Si nous restons en location, nous perdons tous les mois 2500 francs. Si nous achetons, nous nous constituons un petit capital, non? C'est évident. Mais à quoi bon acheter celui-ci? Attendons de trouver mieux. Répétez. Cet appartement n'est pas mal. On s'y plaît, non? Puisqu'il est à vendre, c'est peut-être une occasion à saisir. Personnellement, je n'en vois pas l'utilité. Outre que nous ne sommes pas sûrs de rester à Paris, ce n'est quand même pas l'appartement de mes rêves. Si nous restons en location, nous perdons tous les mois 2500 francs. Si nous achetons, nous nous constituons un petit capital, non? C'est évident. Mais à quoi bon acheter celui-ci? Attendons de trouver mieux. Écoutez. Alors pour l'année prochaine, on cherche un petit appartement pour toutes les deux, si possible pas trop loin de la fac? Oui, mais ça n'avance à rien de s'en occuper maintenant. Il faut attendre la fin de l'année scolaire. Oui, d'autant plus que si nous n'avons pas le bac, c'est inutile d'avoir des chambres à Paris. Répétez. Alors pour l'année prochaine, on cherche un petit appartement pour toutes les deux, si possible pas trop loin de la fac? Oui, mais ça n'avance à rien de s'en occuper maintenant. Il faut attendre la fin de l'année scolaire. Oui, d'autant plus que si nous n'avons pas le bac, c'est inutile d'avoir des chambres à Paris.